بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم يا إخوة وأخوات bienvenue aux chers frères et sœurs. On va commencer aujourd'hui notre deuxième séance dans cette série de cours dans l'explication de ce livre très important de l'imam Ibn Aqil Abu al-Wafa Ali Ibn Aqil rahimahullah sur le comportement. On s'était arrêté à la parole de l'auteur rahimahullah lorsqu'il dit wa idha sallama al wahid min al jama'ati al mushati aw al rukabi ajza'a 'an al jama'a. Si il y a un individu faisant partie d'un groupe qui marche ou alors qui sont sur une monture, une voiture ou autre, et donc ils sont à plusieurs, et qu'il y en a un parmi eux, qui passe le salam, alors cela est suffisant pour tout le groupe. Un groupe de personnes croise un autre groupe de personnes. Il y a une personne du groupe qui passe le salam à tout un groupe. Cela suffit pour tout le groupe, tout le premier groupe qui a passé le salam. Il n'y a pas besoin que toutes les personnes du premier groupe passent le salam à toutes les personnes ou alors à la personne donc, qu'ils ont croisée. Et la preuve de cela, barakallahu fikum, les savants ici, ils se basent sur un hadith, ou je dirais même deux hadiths, qui sont faibles. Deux hadiths, donc je précise déjà dès le début, les deux hadiths sont faibles. Le premier, il a été cité par l'imam Abu Daoud, rahimahullah, dans son sunan, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Yujzi'u anil jama'a, idha marru an yusallima ahaduhum ». Il suffit pour un groupe que l'un d'entre eux passe le salam. Et il suffit pour ceux qui sont assis, c'est-à-dire que ici le prophète, donc ce hadith, il nous parle d'un groupe de personnes qui passent à côté d'un groupe de personnes qui sont assis. Et donc, il suffit qu'une personne du groupe qui passe le salam à ceux qui sont assis, et parmi ceux qui sont assis, il suffit qu'il y ait une personne qui réponde au salam. Cependant, donc, ce hadith, il est faible. Le deuxième hadith aussi qu'ils ont cité, c'est un hadith qu'on va aussi trouver dans le Muwatta de l'imam Malik, qui a le même sens. Les deux hadiths sont faibles. Les savants nous disent, mais la signification du hadith, des deux hadiths sont correctes. La signification est correcte. Voilà pourquoi, donc, les savants, ils appellent à œuvrer avec cela. Le fait qu'on n'a pas besoin que toutes les personnes du groupe passent le salam. On arrive, on est 10, on est venu avec deux voitures, on arrive à Merkez al-Furqan. À Merkez al-Furqan, il y a je ne sais pas combien de personnes qui sont déjà dans le Merkez. Les 10 vont passer le salam à tous les autres, et tous les autres qui sont déjà dans Merkez al-Furqan, ils vont tous répondre aux 10. Masha'Allah, le temps qu'on finisse de passer le salam, on sera déjà en retard pour le cours. Donc il y a en cela une difficulté. طيب. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa idha radda wahidun min al-julusi ajza'a 'anil jama'a. Et donc, comme on a déjà vu précédemment, il nous dit l'auteur, s'il y a un de ceux qui sont assis qui répond au salam, alors cela suffit pour tout le groupe. Donc, conclusion de cela, tu viens à Merkez al-Furqan, vous êtes 3, vous arrivez à Merkez al-Furqan, il y a je ne sais pas combien de personnes. Sur les 3, il y en a un qui passe le salam. Yakfi, assalamu alaikum. Et il y a une personne, donc parmi tous ceux qui étaient déjà présents, qui répondent au salam. Ça suffit. Tayyib. L'auteur qui nous dit, rahimahullah wa sifatu salam, la description du salam. Il nous dit, salamun alaikum. Il n'a pas dit, assalamu alaikum. Il a dit, salamun alaikum. Il se peut qu'ici, l'auteur, rahimahullah, il nous cite cela pour nous montrer la licéité, que cela est légiféré, il n'y a pas de mal à dire cela. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité aussi « as-salam » comme cela dans le Coran. salamun munakkar, sans citer le alif walam. Parfois, certaines personnes vont faire preuve de dureté mal placée. Ah, c'est comment tu passes le salam là? C'est pas salamun, c'est assalamu. Tayyib, on fait quoi des versets du Coran? On fait quoi des versets du Coran? Tayyib, donc il n'y a pas de mal à dire salamun alaykum. Et ensuite, l'auteur qui nous dit wasifatur raddi, la description de la réponse. Comment est-ce que tu réponds à cela? Il nous dit wa alaykum assalam, et que le salut soit sur vous. Le salut ici, comme on dit, ce n'est pas le salut du terme, la salutation, mais c'est le salut qui signifie la paix, l'apaisement, etc. Et ensuite, il nous dit l'auteur, rahimahullah, wa ziyadatul ma'mour biha mustahabba. Et il est recommandé de rajouter les termes qui nous ont été commandés. Quels sont ces termes qui nous ont été commandés? Il dit wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et donc, que le salut soit sur toi, ainsi que la miséricorde d'Allah, et donc sa bénédiction. Et ses bénédictions. Et ensuite, il dit un point important, wa la yustahabu ziyadatu ala dhalik. Et il n'est pas recommandé de rajouter quoi que ce soit à cela. Et donc, une fois que tu as dit wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, il n'est pas recommandé que tu rajoutes quoi que ce soit. Tayyib. Certains savants ont cité qu'il était recommandé de dire wa maghfiratuhu. J'ai déjà donc rencontré un frère qui était justement ferme sur ce sujet. Il faut dire « wa marfiratuhu », c'est des hasanat, etc., etc., etc. Tayyib, barakallahu fikoum, le problème c'est que est-ce qu'il y a un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous appelle à dire « wa marfiratuhu », c'est-à-dire « wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa marfiratuhu ». Est-ce qu'il a un seul hadith qui dit ça, un hadith authentique? Il n'y a pas de hadith authentique qui dit ça. Tayyib, un hadith authentique où il y a un compagnon, qui stipule qu'il y a un compagnon qui a dit cela en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète n'a rien dit? Aujourd'hui, la personne qui nous dit cela doit ramener la preuve. Tayyib, est-ce qu'il y a des compagnons qui ont dit cela? Oui, il y a des compagnons, effectivement, il y a des compagnons. Il a été rapporté de manière authentique que certains compagnons l'ont dit wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Oui, effectivement, cela a été rapporté de manière authentique de Muawiyah et d'autres, si je ne me trompe pas, radiyallahu anhum. Cependant, on a d'autres compagnons qui ont blâmé cela, comme ça a été rapporté de manière authentique qu'un homme a salué en présence d'Ibn Omar. Et il a rajouté à la fin wa maghfiratuhu. Alors là, Ibn Omar radiallahu anhuma lui a fait le reproche. Ibn Omar radiallahu anhuma lui a fait le reproche. Même chose par rapport à Ibn Abbas. Ibn Abbas aussi radiallahu anhuma, il a rejeté cela. Il a rejeté le fait de rajouter wa maghfiratuhu. Et donc ici, on a une divergence entre les Sahaba. Tayyib. Alors, comment on fait? C'est simple. Prenez des notes. Ça, c'est une règle qui est importante. C'est une règle qui est importante. Hal qawlu sahabiyyi hujjatun. Est-ce que la parole d'un compagnon est une preuve? Est-ce que la parole d'un compagnon est une preuve? El jawab. La réponse, na'am. Oui. La réponse du compagnon est une preuve si celui-ci ne contredit pas une preuve textuelle, le Coran ou la Sunna. Il a une parole qui ne contredit pas le Coran et la Sunna. Sa parole est une preuve. Allah tabaraka wa ta'ala nous a appelé à suivre les compagnons. Tayyib. Si sa parole ne contredit ni le Coran ni la Sunna, sa parole est une preuve. Maintenant, si sa parole contredit le Coran ou la Sunna, un des deux, alors sa parole n'est pas une preuve, elle n'est pas acceptée. Dans un deuxième cas, dans un troisième cas, si il y a une divergence entre les compagnons, là la parole n'est pas une preuve, mais nous regardons quelle parole se rapproche le plus des preuves, se rapproche le plus des textes. Et donc ici, la parole qui se rapproche le plus des textes, c'est la parole de Ibn Abbas ibn Umar radhiyallahu anhum, lorsqu'ils reprochent le fait de rajouter wa maghfiratuhu. Et donc tu te suffis bi'idhnillahi ta'ala de dire wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ensuite, il dit l'auteur rahimahullah wa yustahabbu wa rahmatullah liyatruka lilmujib az-ziyadata al-ma'mura biha wa hiya qawluhu wa barakatuhu bi ahsana minha aw rudduha. Et donc ici l'auteur rahimahullah, il nous dit et il est recommandé pour celui qui répond au salam, on lui a dit salam alaykoum. Et donc l'auteur ici, il nous dit, il est recommandé de répondre en disant « Wa alaykoum assalam wa rahmatullah » et de s'arrêter là. Et de ne pas dire « wa barakatou » pour celui qui, excusez-moi, pas pour celui qui répond. Ici, on parle de celui qui passe le salam « ibtida'an », le premier à passer le salam. D'accord ? Donc le premier à passer le salam, l'auteur il nous dit, il est recommandé qu'il dise « Assalamu alayka wa rahmatullah » et il s'arrête là. Il ne dit pas wa barakatuh. Pourquoi ? Il dit, l'auteur nous dit rahimahullah, afin de permettre à celui qui va répondre, lui, de dire wa barakatuh. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le Coran, wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Et lorsque on vous salue, alors répondez au salut avec une meilleure réponse ou alors répondez donc de la même manière. Donc alors, lorsque tu réponds au salut, la personne te dit salam alaikum, tu réponds avec une meilleure salutation, donc wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, etc. Ou alors tu réponds juste à ce qu'on t'a dit. Wa alaykum salam. Et donc ici l'auteur il nous dit, lorsque tu passes le salam toi en premier, tu te suffis, tu dis juste assalamu alaykum wa rahmatullah. Pourquoi ? Afin de permettre à l'autre de répondre en disant mieux. Et en réalité, barakallahu fikum les frères, ça, cette argumentation n'est pas correcte. Cette argumentation n'est pas correcte. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans la Sunna, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il cite dans son livre « Al-Adab al-Mufrad ». Dans le livre « Al-Adab al-Mufrad » d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui nous dit « Marra rajulun ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi majlisin » Un homme est passé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était dans une assise. فَقَالَ أَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ L'homme a dit أَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit à ce moment عَشْرُ حَسَنَات 10 récompenses. فَمَرَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ أَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ Un autre homme est passé et a dit أَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit عِشْرُونَ حَسَنَة 20 récompenses. Un troisième est passé et il a dit « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu » Là, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Thalathoun » 30 récompenses. Et donc, la récompense complète, c'est dans le fait de dire « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu » Et donc ici, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit à cet homme « Attention, il est mieux » de dire « Assalamu alaikum wa rahmatullah » afin que tu laisses aux autres la possibilité de répondre « wa rahmatullah wa barakatuh ». Et d'ailleurs, dans le verset en lui-même, Allah qui nous dit de répondre avec une meilleure salutation, Ça, c'est si la personne, elle dit assalamu alaikum, ou alors assalamu alaikum wa rahmatullah. Et ensuite, il nous dit awrudduha, ou alors rendez le salam, comme il vous l'a été donné. Ça, c'est si la personne te dit aussi assalamu alaikum, donc tu réponds wa alaikum salam, ou alors assalamu alaikum wa rahmatullah, là tu réponds wa alaikum salam wa rahmatullah, ou alors la personne te dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, là tu réponds wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans tous les cas, ça s'applique. Et donc ici, on ne peut pas dire qu'il est recommandé de s'arrêter, de se suffire, donc de dire juste assalamu alaikum wa rahmatullah. Il n'y a pas de preuve concrète qui dit cela. Tayyib, l'auteur qui continue, rahimahullah, et il dit وَإِذَا سَلَّمَ ثُمَّ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ شَجَارًا ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام. Et donc il dit, puis lorsqu'il a passé le salam, il a passé le salam à quelqu'un, puis donc pendant qu'il se déplace, il y a eu un élément qui les a séparés. Il y a un élément qui les a séparés. Comme un arbre ou un mur, et qu'ensuite, après cette courte séparation, ils se rencontrent encore. Donc tu es là, tu dis à ton frère, salam alaikum, wa alaikum salam, ça va, alhamdoulilah, mashallah, la famille, vous avancez, vous marchez. Bon, chez vous, en Belgique, du moins à Bruxelles, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'arbres par là-bas. Dans les grandes villes, en général, il n'y en a pas beaucoup. Disons que, mais il y en a quand même. Mais bon, disons que vous marchez, et là, il y a un réverbère, on est sur la route. Tayyib, un poteau qui nous sépare. On se sépare rapidement, le poteau, on passe, il y en a un qui passe à gauche du poteau, l'autre qui passe à droite du poteau. Et derrière, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, adat sunnatus salam. La sunna du salam, elle revient. Tu lui as déjà passé le salam. Dès que vous avez eu ce poteau qui vous a séparé, une seconde, même pas une seconde, eh bien là, la sunna du salam, elle reprend. Tu redis à ton frère, assalamu alaikum. Il dit l'auteur, rahimahullah, كَذَلِكَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. Il dit, c'est ainsi qu'étaient les compagnons du prophète, صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. C'est ainsi qu'ils étaient. Donc effectivement, il y a des textes qui rapportent que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cela. Il y a même Abu Hurairah radiallahu anhu qui dit donc إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا. Il dit Abu Hurairah radiallahu anhu, comme dans Sunan Abi Daoud, si l'un d'entre vous rencontre son frère alors qu'il lui passe le salam, et si ensuite ils sont séparés par un arbre ou un mur ou une pierre, et qu'ensuite il le rencontre encore alors qu'il lui passe le salam. Dans un autre hadith rapporté par Anas, il dit, c'est ainsi que faisaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib, est-ce qu'il y a donc un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montre qu'on peut faire cela? Effectivement, dans Sahihayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a un hadith qui est très connu, que vous avez sûrement déjà dont vous avez tous entendu parler, sûrement ou presque, le hadith de celui qui faisait mal la prière. Il faisait mal sa prière et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le conseillait. Dans Sahihayn, l'homme il a mal fait sa prière, ensuite il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit assalamu alayka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Retourne prier car tu n'as pas prié. L'homme, il est retourné prier. Il est revenu, il a dit assalamu alayk. Il a repassé le salam encore. Alors que, concrètement, il était là. Il n'était pas loin. Il a repassé le salam encore. Le prophète, il lui a redit encore une fois. Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Retourne prier car tu n'as pas prié. Et ainsi de suite. Voyez. Et donc ici, il n'y a pas de mal à ce que le salam se répète à partir du moment où il y a eu une séparation, même une courte séparation. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa yukrahu salamu ala shawabin nisa. Et il est détestable. Parfois, attention ici, donc, il est important de bien comprendre, barakallahu fikoum, parce que l'auteur, rahimahullah, il est mort quand même en 513 de l'Hégire. 513 de l'Hégire. Et chez les savants qui ne sont pas contemporains, pour beaucoup, lorsqu'ils utilisaient le terme yukrahu, il est détestable, ils voulaient dire par là, il n'est pas légiféré. Il n'est pas légiféré. Donc là, il est détestable ou il n'est pas légiféré de passer le salam aux jeunes femmes. Donc ce sont des femmes, donc pubères, mais elles sont jeunes. Ici, ce qui est voulu ici, ce sont les femmes étrangères. Les femmes qui ne font pas partie de la famille de la personne, ou etc. Tayyib, il nous dit l'auteur, il nous explique ce qui est voulu par là. Il nous dit « Inna dhalika yajlibu jawabahunna wa sama'a aswatihin » Car cela va entraîner le fait que ces femmes, elles vont répondre au salam et qu'on va entendre leur voix. On va entendre leur voix. وَعَسَاهُ يَجْلِبُ الْفِتْنَةِ Et il se peut que cela entraîne la fitna, la tentation. Ensuite, il nous dit وَكَمْ مِنْ سَوْتٍ جَرَّ هَوَانْ وَعِشْقَانْ Subhanallah. Et comme sont nombreuses les fois où donc, le fait d'entendre des voix de femmes peut entraîner des désirs, des tentations. Et donc, il faut faire très attention à ce sujet, barakallahu fikoum. Ici, certains non-musulmans qui ne comprennent pas ce genre de sujet, ils vont attaquer les musulmans pour faire croire aux gens que les musulmans vont mépriser la femme. Alors que non, pas du tout. Justement, les musulmans reconnaissent la beauté qu'Allah tabaraka wa ta'ala a placée dans la femme. Et qui fait que cette femme est une tentation pour l'homme. De la même façon qu'ils reconnaissent la faiblesse de l'homme. De la même façon qu'ils reconnaissent la faiblesse de l'homme. Et donc il est important, barakallahu fikoum, de faire attention à ce sujet. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit de nous approcher de la fornication. Wala taqrabu zina. Ne vous approchez pas de la fornication. Et donc toute cause qui peut entraîner la fornication, nous devons la délaisser. Tayyib, est-ce qu'il est interdit de passer le salam à une femme étrangère? Ici, barakallahu fikoum, il est important de savoir que beaucoup de savants, ils voient que cela n'est pas convenable. L'imam Malik rahimahullah, il a été interrogé concernant ce sujet, le fait de passer le salam à une jeune femme étrangère. Il a dit, la uhibbuhu, je n'aime pas cela. Il a dit, je n'aime pas cela, l'imam Malik. Soyez pour la même raison que je vous ai cité précédemment. Il y a même certains savants qui disent que si la femme étrangère, elle passe le salam, tu ne réponds pas. Il dit, si la femme étrangère te passe le salam, tu ne réponds pas. Si elle ne fait pas donc partie de ta famille. Par contre, ils voient tous que si cette femme, elle n'est pas seule, et qu'elle est en présence de ses maharim, etc., et donc il ne peut pas y avoir de fitna, ils disent tous, donc il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à lui passer le salam. Parce que là, il n'y aura pas de fitna, il n'y aura rien qui va se passer. Tayyib, mais barakallahu fikoum, en réalité, est-ce qu'il y a une preuve pour dire que c'est interdit? Pour dire que c'est interdit, il faut une preuve. Voilà pourquoi l'imam Ibn Ubayz, rahimahullah, il a été interrogé concernant ce sujet. Il a dit que le salam, il est meshroua. Le salam, il est meshroua, légiféré, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et donc, si l'homme, il passe le salam à une jeune femme étrangère sans qu'il y ait de fitna, et qu'il ne va pas rester avec elle, salam alaykoum, alaykoum salam, sans qu'il y ait de fitna, il dit là, l'imam Ibn Ubayz, rahimahullah ta'ala, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Et ici, on parle du sujet s'il n'y a pas de nécessité. Parce que s'il y a de nécessité, ça, on va en parler tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. L'auteur, il l'a cité. Le sujet de la nécessité, lorsqu'il y a un besoin de s'adresser à une femme, etc., etc. Là, on parle d'une femme que, je donne un exemple, tu arrives dans un magasin où il y a un ascenseur, l'ascenseur il s'ouvre devant toi, il y a une femme étrangère ou une musulmane, est-ce que tu passes le salam ou pas? Est-ce que tu passes le salam ou pas? Certains savants ils vont te dire non, d'autres savants ils vont te dire oui. L'imam Ibn Baz, rahimahullah, il dit tant qu'il n'y a pas de fitna, alors là il n'y a pas de problème, Inch'Allah ta'ala. Tayyib, et en réalité, barakallahu fikoum, si tu délaisses cela, si tu délaisses le fait de passer le salam quand il n'y a pas de nécessité à une femme étrangère, alors, as-salama la yadiluha shay. Le fait de te préserver, rien n'est égal à cela. Rien n'est égal à cela, donc que tu fasses attention, Inch'Allah ta'ala. Mais de là à ce qu'on te dise, tu as fait quelque chose d'interdit, il faut une preuve. Il faut une preuve. Particulièrement que parfois, certains par faiblesse, ils vont entendre une sœur qui répond au salam, leur cœur va s'accrocher à ça, subhanallah. Leur cœur va s'accrocher à ça, parfois même certains ils vont se faire un film. Là, elle m'a passé le salam de telle et telle manière, c'est parce que peut-être que, et donc il se peut que j'aille voir son mahram, pourquoi pas. Ya akhi, taqillah fi nafsik. Crains Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il faut qu'on fasse attention. Barakallahu fiikum. Et d'ailleurs, on constate que tout ça, vraiment, c'est pour nous protéger, pour protéger la femme et pour protéger l'homme. Vous constatez que la femme, durant la prière, même pour la prière, elle ne va pas faire le Eden. Elle ne fait pas l'appel à la prière. Pourquoi? Parce que sa voix peut être une tentation pour les hommes. La femme, lorsque l'imam se trompe durant la prière, elle ne va pas le corriger à voix haute. Elle ne va pas le corriger à voix haute, elle va utiliser ses mains. Pourquoi? Parce que sa voix peut être une tentation. Et donc, ici, tout cela afin de préserver donc, les musulmans. Tayyib, l'auteur qui nous dit, après ça, Inch'Allah ta'ala, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, et il n'y a pas de mal à passer le salam aux femmes âgées. Les femmes âgées, pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas une tentation, concrètement. Elles ne sont pas une tentation... Raliben, bien entendu, majoritairement, elles ne sont pas une tentation et dans leur voix non plus. Et donc, il n'y a pas de mal à passer le salam à ces femmes-là, les femmes âgées, ainsi que El-Berizat. El-Berizat. Qu'est-ce que El-Berizat? C'est la femme qui va s'exposer. La femme qui a une nécessité de s'exposer. Parce qu'elle a un besoin de parler, parce que c'est son travail, ou parce qu'elle n'a pas de maharim. Elle a besoin donc... Elle fait toutes ses démarches, etc., démarches administratives ou autres. Et donc, elle se retrouve à s'adresser à des hommes. Assalamu alaikum, wa alaikum salam, excusez-moi, j'aimerais savoir, il est où le bureau, les administrations de telle chose, salam alaikum, combien ça coûte ça, wa alaikum salam, ça coûte tant, etc., etc., etc. Et donc là, il y a une nécessité. Il nous dit l'auteur, rahimahullah, li'adami al-fitnati bi aswatihin, car il n'y a pas de fitna pas dans leur son. Ici, on parle donc de la femme qui est âgée. La femme qui est berizat, ce qui est voulu ici, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la femme qui s'expose, attention, ce n'est pas une femme qui s'expose en étant une fitna. C'est une femme qui s'expose en faisant attention à ne pas être une fitna. Elle ne vient pas avec une voix séduisante, etc., etc. Non, elle a une nécessité, ok, mais elle ne vient pas avec une voix séduisante. Elle fait attention à elle. Wali anna al-barza tahtaju ila salami alayha wa raddi salamiha. Il dit parce que la femme qui va s'exposer pour une nécessité, elle a besoin que on lui passe le salam ou qu'on lui réponde à son salam. Elle a une nécessité. Wali al-hajati ta'thiru bidhalika lijawaz an-nazari ila wajhi al-mar'ati lish-shahidi liyahfaz al-hilyati. Ici, l'auteur, il argumente encore pour montrer cela. Il nous montre même que parfois, il va y avoir une nécessité de regarder cette femme étrangère. Regarder cette femme étrangère. Avant, les gens, lorsqu'ils avaient des bijoux, des choses de valeur qu'ils voulaient laisser chez certaines personnes. Il était connu que telle personne, c'est elle qui est la digne de confiance, c'est à elle qu'on donne telle et telle chose. Aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui, ce genre de choses sont appliquées. On peut trouver ça, par exemple, chez les Soninkés. Si vous connaissez des frères Soninkés, vous pouvez les interroger par rapport à cela, ce sujet-là, ce même sujet. Et donc ici, cette personne, elle va, cet homme, par exemple, qui est digne de confiance, il est connu que les gens, lorsqu'il part en voyage ou je ne sais pas, il lui laisse à lui des choses. Taïeb, il y a une femme, elle vient, les savants elles nous disent, il y a une femme qui vient, elle va laisser un bijou, une parure de valeur. Les savants nous disent, à ce moment-là, il y a la nécessité que cet homme regarde cette femme afin de pouvoir témoigner par la suite que oui, effectivement, c'est elle qui me l'a donné, c'est pas une autre. C'est elle qui m'a donné telle chose de valeur, etc., etc. Ainsi, les savants nous disent, et de même façon, cette femme-là aussi, elle va avoir besoin de passer le salam. Pourquoi ? Par rapport à, donc, les besoins que les femmes ont d'aller voir certaines personnes qui ont certaines fonctions, que ça soit dans la couture ou autre, des nécessités qui concernent les femmes. Aussi, cette femme va devoir aller voir cette personne pour acheter ses affaires. Salam alaikum, wa alaikum salam. On ne va pas lui dire non, tu ne passes pas le salam. Elle n'a pas passé le salam, elle lui a demandé le prix. Et malheureusement, barakallahu fikoum, certains frères, ils vont tomber dans des exagérations, Allahul Musta'an. Un frère, il est marié, il est là, il marche dans la rue avec sa femme, sous prétexte qu'il est avec sa femme, il ne va pas te passer le salam. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas que tu te tournes vers lui pour lui répondre au salam alors qu'il est avec sa femme. La hawla wa la quwwata illa billah. Où est-ce qu'on trouve ça dans les livres de fiqh ? Où on trouve ça ? Dans les livres de fiqh ou de adab, etc., etc., etc. La yustahabu li rajuli al mutazawiji idha kana ma'a zawjatihi an yusallima ala ikhwanihi. Il n'est pas recommandé. Ou alors il est détestable à l'homme qui est marié de passer le salam à ses frères pendant qu'il est avec sa femme. Qui a dit ça? Tayyib, et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on ne tombe pas dans une quelconque forme d'exagération. L'auteur qui nous dit وَكُلُّ مَنْ تُعَامِلُهُ النِّسَى مِنْ أَرْبَابِ التَّجَائِرِ وَالصَّنَائِعِ. Et tous ceux qui vont avoir, tous ceux dont les femmes vont avoir des échanges avec eux, parmi ceux qui ont des commerces, etc. Il continue l'auteur, rahimahullah, et il finit avec cela. وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَامِ عَلَى السِّبْيَانِ تَعْلِيمًا لَهُمْ لِلْأَدَبِ. Il n'y a pas de mal de passer le salam aux enfants pour justement leur enseigner le bon comportement. Et ça, c'est important, barakallahu fikoum, le fait d'enseigner aux enfants le bon comportement, le fait de leur enseigner le salam. Hein? Pas qu'on leur enseigne bonjour, bonjour, des enfants qui rentrent dans une mosquée, il n'y a que des musulmans, bonjour. La hawla wa la quwwata illa billah. On leur enseigne le edeb, le bon comportement. Assalamu alaikum. Wa tahbiban li husni al-khuluq. Et le fait de faire aimer à ces enfants-là le bon comportement. Les compagnons, il a été rapporté de Omar, radiallahu anhu, qu'il passait le salam aux enfants. Wa tadriban ala husni al-mu'ashara. Et le fait que les enfants s'entraînent à justement avoir un bon comportement. Wa yustahabu salam inda al-insiraf. Kama yustahabu inda al-dukhul. Il est recommandé de passer le salam lorsque on part, de la même façon qu'il est recommandé de le passer lorsque on arrive. Wadduhulu ashaddu istihbaban. Il nous dit l'auteur, et le fait de passer le salam lorsqu'on rentre, c'est encore plus recommandé. Ça, c'est contraire au hadith. C'est le même hadith qu'on a vu précédemment. Le même hadith qu'on a vu tout à l'heure, le hadith de Abu Hurairah radhiyallahu anhu, où il y a un homme qui a passé le salam, il a dit salam alaykoum, un deuxième qui dit wa alaykoum assalam alaykoum wa rahmatullah, le troisième qui dit assalam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dans ce même hadith, il y a ce sujet, parce que dans ce même hadith, il y a un homme qui s'est levé, il est parti et il n'a pas passé le salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré que il faut passer le salam justement aussi lorsque on part. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, idha intaha ahadukum ila al-majlisi falyusallim wa idha arada an yakuma falyusallim falaysat al-ula bi ahaqq min al-akhirah. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous arrive à une assise alors qu'il passe le salam, et lorsqu'il part, et alors qu'il passe, et s'il veut partir alors qu'il passe le salam. Car certes, le début n'est pas plus endroit que la fin. Ou alors le premier n'est pas plus endroit que le deuxième, que le dernier. C'est-à-dire le premier, la première salutation. Et ça, c'est justement pour répliquer à ce qu'a cité l'auteur lorsqu'il nous dit que le fait de passer le salam à l'arrivée est plus recommandé que le fait de passer le salam au départ. Alors là, non, on dit non, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a montré le contraire. Le fait que les deux ont le même droit. Et aussi, ça montre l'importance lors des assises de science. Tu vas à une assise de science, tu viens à Merkaz al-Furqan. Il y a les fiers qui sont assis, tu arrives, il y a un cours. Assalamu alaikum, alaikum salam wa rakatou, tu t'assieds. Alhamdulillah, tu écoutes le cours, t'astafid. Et là, mashallah, on t'appelle, on te dit, il faut que tu rentres à la maison. Tayyib, tu te lèves, tu passes le salam et tu pars. Ça aussi, ça fait partie du edeb pendant les assises de science. Parfois, les frères, ils se lèvent et ils partent directement. Non, tu te lèves, tu passes le salam et tu pars. Parfois, certains, pour ne pas déranger le cours par edeb, ils vont se lever, ils vont faire signe de la main à l'enseignant et lui montre aussi salam alaikum. Et l'enseignant, il voit ça. Ça fait aussi partie des formes de edeb, le fait de saluer avant de partir. Ça aussi, c'est une forme de edeb, on fait attention à ça. On va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.